baiser plus, ne fumer plus, juste respirer. Faites ce que je dis, laissez-moi rire. Je suis le roi d'un jeu truqué. Je truquais. Peuple déplacé sans souci d'humanité, société sans travail cherche repreneur. Personne ne maîtrise plus rien, repassé tout à l'heure. Trouverons un autre jeu truqué. Trouverons un autre jeu truqué. Combien de temps à traîner encore par ici? Dois-je chercher ou bien tout est fini? Possible une fois de suivre un homme pour ses idées sans être abonné à un jeu truqué. Sans être abonné à un jeu truqué. a-t-il une vie après la vie? Faut-il encore y croire? Ou bien se préparer? Affronter d'autres jeux truqués. Affronter d'autres jeux truqués. Thank you.